Hey, Debo. Yo vraiment la nana Nico. Canara carte na bino to soso. Mais ça yo. Papa n'examine koso sans auto na ngai mobima Nena moni eza yo moto na koki komele lambondo Poyo suma kabaye bazana pebaye bazana Pasi papa finance Losango na ngazama realize ba proje na yo Emery ofanga auto école stan Bido bandaye Papa n'examine koso sans auto na ngai mobima Papa moni eza yo moto na koki komele lambondo Sungaka bae basa nga be bae basa na basiste mi kuto Eloko na lila ya koyo sunu la kambien Yo mwana papa koto mbongo Mama fila kemboe mama mbotie Sebi oto mbongo Arno oto, Arli oto, Sylvie Melmes, Mirisaya Entoye misi le chan magico Armé la luna, prince Longani Obami, Ferno Akiana Siri Boy, Kenor Obami, Bledi Obami, Armel Abus, Brunette Obami, Taylor Matou, Billy Debovila, Ange Mundele, Tony Tubur sur le préfet de Paris. Notonanga se réalise, Notonanga est comme il y a très bien. Et puis la tombe au bord, le savon à ma tombe au pouvoir, et pas la yolo pour le solo la gamme. Liwara, vie à disque. Souffle de ma vie, la chair de ma chair. Ça la cabine, est-ce que mon cocaïne, y'en n'a pas les mains. Boni, boni, boni, boni, boni, les sonabines, y'a moninga. Les ans de grâce, j'y décage de Dieu. Christa, mon frère, c'est Yamo. Un monde à commande, pour salir sa cabane. Pourquoi la haine? Pourquoi la haine? À la donnée, I'm